Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux est une commandite de Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. L'automne est arrivé et il est déjà le temps de se préparer pour la période froide qui s'en vient. Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous offre une vaste gamme de pneus d'hiver dans les marques les plus prestigieuses à différents prix. Venez voir nos souffleurs à neige qui seront utiles pendant nos hivers rigoureux. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Consultez notre circulaire pour nos différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. Bon, on va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de l'Avalanche du Colorado qui a perdu hier par la marque de 3-1 contre les Blues de Saint-Louis. Samuel Girard de Roberval dans le match a été blanchi, a terminé le match avec une fiche de moins 1. Et a joué quand même une période de 22 minutes 12 secondes. Maintenant, on va parler maintenant du côté du Challenge Bank National qui s'est trouvé hier à Ville-Saguenay. On a parlé avec Caroline Delisle qui, dans un premier temps, qui nous parle des joueuses de tennis qui seront présentes à Ville-Saguenay au cours du week-end et de la semaine. Quand même une équipe québécoise, là, donc on est très, très heureux de ça. Puis bon, il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés sur Leila Annie Fernandez, qui a perdu justement en finale là, dans un tournoi au Texas en fin de semaine. Donc elle arrive justement tout à l'heure là, vers 10h40 à l'aéroport de Bagotville. Et puis, donc c'est ça, fait qu'écoutez, elle va jouer en double, elle va jouer en simple. Fait qu'on espère que ça va bien aller pour elle. Et puis, c'est sûr que pour nous, ben, c'est important aussi d'avoir des Québécoises qui se rendent loin parce que ça peut nous attirer plus de spectateurs. Fait qu'on va souhaiter, là, c'est ça qu'il y a beaucoup de succès. Évidemment, le succès de Bianca Andreescu fait en sorte que ça donne des ailes au Challenge Banque Nationale. C'est certain que, là, c'est ça, hein. Bianca a tellement connu une belle année. Puis pour nous, ben, c'est bon aussi, hein, même pour notre challenger ici. Puis bon, on espère que pour elle, ça va se poursuivre, justement, au championnat du monde, là, qui va avoir lieu, là, justement, en novembre, là. Oui, donc on a plein de bonnes joueuses ici, puis il y a d'autres bonnes Québécoises, d'autres bonnes Canadiennes, fait qu'on espère là, que Bianca va ouvrir la porte à... Soulignons l'entrée en scène ce soir de la quatrième favorite, Léa Annie Fernandez, qui est vraiment une belle espoir pour les prochaines années pour le tennis canadien. Parlons des Aigles de Roberval. Les Aigles qui étaient en action au cours du week-end et c'était deux défaites pour les Aigles de Roberval. D'abord, ils ont perdu d'abord au niveau juvénile Division 2, une défaite de 4-1 contre la polyvalente d'Arvida. Et dans un autre match, c'était une autre défaite de 3-2 contre l'école secondaire Pointe-Lévis. On parle d'un match de la catégorie Benjamin Division 1. Et Karina Momigny, qui est de Péribonka, c'est classé pour la Coupe Canada en patinage de vitesse sur courte piste. Karina Momigny qui a terminé au 13e rang lors d'une épreuve qui avait lieu en fin de semaine, qui servait justement de qualification pour la Coupe Canada qui aura lieu plus tard cette année à Calgary. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Caroline Delisle où on parle du Challenge Banque Nationale et Elliott Lapointe des constructions de l'année et nous parler de la saison. Sport local et régional à danradiosport.com.